Tu me fais penser à moi. Yeah, Wang San Rocks. Baby girl, dans ton attitude, t'as ce truc qui me fait penser à moi. Voir comment tu anticipes, c'est comme si tu me connaissais déjà. La devise, mais tu le maîtrises. T'as les codes, t'as le mode d'emploi. Dans ta façon de retenir, quand je suis là, ça me fait penser à moi. Thank you.